Et tout de suite sur Radio Duo, c'est Qui au coin ? Documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est Qui ou quoi sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Pour tout vous avouer, pour préparer cette première émission de 2019, meilleurs vœux au passage, j'ai encore galéré. Comme chaque fois, je me dis que je vais trouver un super thème commun à trois livres dont je vais vous parler. Et puis non. Ou alors, je suis en train de lire un super livre dont je vais absolument vous parler, mais en fait, je ne l'ai pas fini à temps. Et puis le temps passe, et puis c'est de plus en plus près de la date de diffusion, et puis j'en choisis trois, quoi, un peu au pif. Un que j'ai lu il y a longtemps et dont je veux vous parler depuis longtemps. Un autre récemment, mais qui me permettra de parler d'autre chose. Et puis un autre que j'ai choisi deux jours avant parce que, ouais, en fait, il est trop bien celui-là, etc. Et c'est comme ça un peu à chaque fois. Je me désespère et en même temps, faut croire que j'aime ça. Bref, ce soir, je vous parle street art, livre pour enfants et Ubapo. On va parler de Guerre Express de Banksy, de Doux Rêveur d'Isabelle Simler et des Aventures intersidérantes de Jean-Pierre Vortex par Sylvain Moisy. Et tout ça, c'est tout de suite dans Qui ou quoi. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, enfin, c'est un petit peu compliqué à Radio Duo, l'ordinateur est tombé en panne, et puis moi, en plus, pour rajouter un peu de fun, j'ai oublié le sac avec toutes les musiques de fond de l'émission, donc j'ai dû un petit peu improviser. Donc ça change un petit peu aujourd'hui, pour la première de l'année, on change de musique de fond, et pourquoi pas, peut-être que ça restera comme ça pour toute la fin de l'année. Alors, le premier livre dont je vais vous parler ce soir, ça s'appelle Guerre Express de Banksy. C'est un livre un peu vieux, sorti en 2005, mais c'est mon préféré de Banksy. Bon, alors Banksy, pour ceux qui ne savent pas, c'est un artiste anglais qui fait dans le street art, c'est-à-dire qu'il peint dans la rue, un peu comme Ella Épître à Saint-Étienne, pour donner un exemple local. Mais bon, là, on n'est pas forcément sur les mêmes thèmes et la même démarche. La particularité de Banksy au départ, c'est d'utiliser des pochoirs pour faire ses œuvres. Et puis, surtout, personne ne sait qui c'est. Tout le monde reconnaît les œuvres de Banksy, ou en tout cas, de plus en plus de monde en connaît, mais apparemment, personne ne sait réellement qui il est. Je crois me souvenir de la première fois que j'ai entendu parler de Banksy. C'était parce qu'il avait fait le générique d'un épisode des Simpsons. C'était il y a bientôt presque 10 ans. N'étant pas un grand amateur d'art ni de street art, je ne connaissais pas son nom, j'avais juste découvert ce truc. Vous savez que chaque épisode des Simpsons a un générique différent, ne serait-ce que la partie pendant laquelle Bart écrit sa punition au tableau, et puis la fin quand toute sa famille se rue sur le canapé. Bref, le générique des Simpsons par Banksy, c'est franchement autre chose. Ça commence soft avec un rat qui se balade, et puis des graves de Banksy un peu partout sur les murs. Bart qui écrit au tableau et sur les murs de la classe, je ne dois pas écrire partout sur les murs. Donc vous la voyez venir un peu la mise en abîme ? Et puis après, ça part vraiment en couille. Au moment où la famille regarde la télé, le plan se fige, travelling arrière, et ce plan, c'est en fait un tableau en couleur dans une salle en sous-sol où des centaines de femmes asiatiques, très probablement chinoises, peignent des celluloïdes nécessaires au générique. Une fois fini, un dessin, une des ouvrières le donne à un enfant qui va le tremper dans des produits toxiques, et puis ensuite la caméra s'enfonce dans les sous-sols de cette terrible usine à dessin. Et on y découvre des enfants qui poussent des portants avec des t-shirts à l'effigie de Bart, de Lisa, d'autres qui tuent des chats pour faire du rembourrage de marionnettes Simpson, pendant que des pandas tirent des charrettes remplies de cette marchandise. Et tout ça pour finir sur une licorne enchaînée qui est utilisée pour percer le rond central d'un CD des musiques des Simpsons. Le tout sur une musique qui ressemble à s'y méprendre à un inédit des chœurs de l'Armée Rouge, mais en plus orchestral et plus glauque. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça rigolo, plutôt fun. Mais je voyais pas trop non plus en quoi c'était génial, vu que c'était à peu près évident que c'était comme ça que ça se passait. Bon, enfin, sauf la partie licorne. En fait, je passais à côté de pas mal de trucs. Le côté provocateur, le côté politique, etc. Je voyais juste un dessin animé. Aujourd'hui, je trouve ça tout simplement exceptionnel. Je suis devenu un gros, gros fan de Banksy. À partir de ce générique, j'ai remonté le fil de qui il était. Enfin, plutôt de ses œuvres, parce que je vous rassure, je ne sais pas qui il est. Pas de scoop sur Radio Dio ce soir, tout au plus je pourrais relayer des rumeurs insistantes, mais ce sera un peu plus tard dans la mission. En fait, suite à cet épisode des Simpsons, j'ai donc découvert d'autres œuvres de Banksy. La petite fille avec les ballons sur le mur en Israël, les bobbies, etc. Et puis il a fait cette vidéo dans laquelle des islamistes tirent au bazooka sur un truc et le truc s'écrase à côté d'eux. Et il s'avère que c'est l'éléphant Dumbo qui vient de se prendre une roquette dans le cul. Les islamistes crient en permanence à la Wakbar. Un petit garçon s'approche, voit Dumbo mourir sous ses yeux. Et il se tourne alors vers celui qui a tiré et lui file un coup de pied. En plus d'être fun, c'était quand même super réussi. Et puis, vraiment dans la foulée de cette seconde vidéo, j'ai découvert ce livre, Guerre et Spray, dont je vous parle quand même un petit peu, qui est en fait le premier livre sur les œuvres de Banksy, et qui répertorie beaucoup de ses premières œuvres, avant qu'il ait les projecteurs médiatiques braqués sur lui, parce qu'en ce moment, ils le sont tous. Et là, en revanche, c'était pas juste rigolo, j'ai pris une grosse claque. Si vous suivez un peu beaucoup qui ou quoi, j'avais déjà raconté dans une émission précédente qui est en ligne à la rubrique podcast du site Radio Dio, je vous laisse retrouver laquelle. Bref, dans cette émission, j'expliquais que j'ai commencé mon éveil culturel avec le rap et toute la culture hip-hop des années 80. Donc pour moi, le street art, ça devait forcément être du graphe. Et à l'aune de ça, je trouvais que dire de Banksy que c'était du street art, je trouvais que c'était abusé. Et en fait, après ce livre, j'avais vraiment compris de quoi retourne cette l'œuvre de Banksy. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu étriqué dans ma vision des choses. Au départ, le street art, pour moi, c'était essentiellement décoratif et extrêmement stylisé. Juste un mot, et puis, faut pas le cacher, c'était lié à une esthétique rap. Et là, rien de tout ça. C'était bien, les œuvres de Banksy, mais ça m'impressionnait moins qu'un énorme graffiti. Parce qu'ici, en plus, l'utilisation du pochoir, parce qu'il n'utilisait que des pochoirs, oblige à une économie de moyens en termes de rendu. Mais, sauf que par rapport à un graffiti, il y a un message. Et ici, il passe pas par un gros mot et des couleurs, mais par une image. Et même si, des fois, il peut y avoir des mots, c'est pas la majorité des œuvres de Banksy. Banksy, il est tout à la fois fun, pop, sérieux, poétique, politique, provocateur, il fait réfléchir, il est cool, etc., etc. La plupart du temps, juste dans ce qu'il dénonce ou dans ce qu'il essaye de dire, c'est facile d'accès dans tous les sens du terme. On comprend ce qu'il veut dire, même si on n'est pas un spécialiste pétri de références. Et puis, pas besoin d'aller dans un musée, les œuvres sont dans la rue, pas besoin de payer pour y accéder. C'est un peu bateau, mais pour moi, il remet l'art à sa juste place. On est d'accord, tous les artistes qui font du street art le font en un sens. Mais lui, il est quand même dans le trio de tête au niveau qualité. Et c'est normal qu'on parle de lui parce que bon, c'est bateau, mais je le trouve trop fort. Sauf qu'à force de parler de lui, on en oublie le propos. Et là, on tombe dans les travers de l'art contemporain. Et là, on est bien obligé de parler de son anonymat. Son anonymat, quelque part, pour Banksy, c'est sa street credibility. Sans lui, Banksy serait arrangé du côté des Jeff Koons au rang des ex-punks cyniques qui se foutent un peu de notre gueule. Sauf que lui, il continue de faire des trucs dans la rue, que ce soit des graphes ou encore des ventes de ses œuvres sur des stands de rue. Il a fait ça à New York, il a mis en vente des œuvres à lui sur un stand genre vendeur à la sauvette et personne en a eu rien à foutre, alors que ça coûtait 50 euros. Et puis aussi, il continue de ruer dans les brancards. Dernièrement, il a saboté une de ses œuvres qui s'est autodétruite, il a fait un parc d'attractions pour migrants. Enfin, vraiment, derrière, il y a un vrai message et qui continue d'être pertinent. En fait, il dénonce le monde de l'art qu'il récupère quasiment instantanément et qui pousse encore plus les potards de ce qu'il y a dénoncé en le c'est ce que Banksy a dénoncé, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est assez hallucinant et ça donne vraiment pas envie de faire partie de ce monde contemporain de niche fiscale qui est devenu l'art. En attendant, et Banksy donc, il continue son chemin et il se renouvelle quand même régulièrement et de manière toujours étonnante. Revenons quand même un peu au livre, au final j'ai plus parlé de Banksy que du livre. Le livre c'est une vraie parfaite introduction à son œuvre. Et puis pour moi, même, il suffit largement. Limite, il n'y a pas besoin de s'intéresser au reste. Juste ce livre-là, il est suffisant. Et moi, je me replonge régulièrement dedans. Il me donne des frissons. Il y a tout ce que j'aime dans l'art. C'est je vais recommencer une liste. Intéressant, cool, fun, inattendu, politique, provocateur, etc. Et puis dedans, il y a toujours... Moi, j'en trouve toujours des nouvelles, des que j'oublie entre deux lectures. Il y a le mur de graphe. En fait, il a fait un graphe sur un mur blanc, un tout petit truc où c'est écrit « Ici, c'est autorisé de graffer ». Et puis, il a pris des photos du mur tous les 2-3 jours. Et puis, à partir de ce truc marqué « graphe autorisé », le mur s'est complètement retrouvé, complètement recouvert de graphe. Il y a des rats, en veux-tu, en voilà. Il y a des bobbies qui taguent des anarchies à Londres et tout ça. Il y a aussi ce truc que je trouve trop fort où en fait il a pris des œuvres à lui et puis il est allé les accrocher dans les musées. Donc là on parle pas de voler une œuvre, on parle d'en rajouter. Et puis il y a surtout la citation qui est juste derrière le livre que je trouve parfaite. Je vais vous la chercher, bien sûr. J'ai oublié de prendre le livre au moment où j'ai commencé l'émission. Donc, sur la quatrième de couve, c'est écrit « Une situation du porte-parole de la police municipale de Londres. Vous n'obtiendrez absolument aucune citation de notre part pour la mettre sur la couverture de votre livre. » Et donc, c'est fait. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, dans ce livre, tout est bien. Le reste de l'œuvre est bien aussi, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il se bat pour ne pas forcément être récupéré. Dans ce livre, c'est l'origine de tout. Il y a toute la fraîcheur des premières œuvres qu'on peut trouver chez un artiste. Un peu comme ses premiers disques qui sont tellement bien et que les groupes n'arrivent jamais à égaler. Je vais finir sur Banksy, parce que bon, il faut bien s'arrêter. En fait, le dernier ragot, c'est qu'il paraît que Banksy, c'est 3D de Massive Attack. Des tarés ont remarqué que Banksy ne sévissait que là où Massive Attack se produisait en concert. Bon, moi, cette histoire d'anonymat, ça me laisse perplexe, parce que Banksy a quand même fait un film, ils vont dans les galeries, il y a forcément des gens qui savent qui il est. Mais bon, en vrai, moi, je m'en fous, c'était l'occasion de passer un morceau de Massive Attack, quelque part. Et puis, si le gars, il a fait Massive Attack et Banksy, il est quand même très très fort. Et puis, en fait, en préparant l'émission, je me suis dit que, eh ben non, on passerait pas de Massive Attack. Tant pis. Hey. Peace. Power. Mad liberator. Death operator. Rock the data. Amazing flavor. Yo, the way I feel. Sometimes it's too hard to sit still. Things are so passionate, times are so real. Sometimes I try to chill, mellow down, blow a smoke. A smile on my face, but it's really no joke. You feel it in the street, the people breathe without hope. They're going through the motion, they dimming down the focus. The focus get clear, then the light turns sharp. And the eyes grow teary, the mind grow weary. I speak it so clearly, sometimes y'all don't hear me. I push it past the bass, no nations got to feel me. I feel it in my bones, black, I'm so wide awake that I'm hardly ever sleep. My flow forever deep in his volumes of scriptures when I breathe on a beat. My presence speak volume before I say a word. I'm everywhere, penthouse, pavement, the curb. Cradle to the grave, soul cathedral of a shell. Universal ghetto life, holla black, you know it well. Quiet storm, vital form, pen push the bright across. Mind is a vital force, high level right across. Soul is the lion's roar, voice is the siren. I swing round, ring out, and bring down the tyrant. Chop a small axe and knock a giant lopsided. The world is so dangerous, there's no need for frightening. The suckers trying to high like the struggle won't find them. Then the sun busts through the cloud to clearly remind them. This A-where, penthouse, pavement, the curb. Cradle to the grave, talk of each of a shell. Universal ghetto life, holla black, you know it well. What it is, you know, they know what it is. We know, y'all know what it is. Ecstatic, there it is. Huh, what it is, you know, we know what it is. They know, y'all know what it is. You know, here it is. What it is, you know, we know what it is. They know, y'all know what it is. You know, here it is. Peace, power. Sitting, come relax, riddle of the Mac, it's the patch. I'm a soldier in the middle of Iraq. But say about noonish, coming out the whip and looking at me curious, a young Iraqi kid. Carrying laundry, what's wrong, G? Hungry? No, give me my oil, get out my country. And in Arabian, barking other stuff till his moms come grab him and they walk off in a rush. Distrust, feeling like I was pissed upon Boone. I'm like, surely hope that we can fix our differences soon. Buying apples, hun, breaking on. Fruit, you take everything. Why not just take the damn fruit like pasta? I don't understand it. On another planet? 15 months of this stuff, how I'm gonna manage? And increasing the sentiment, gentlemen, getting down on their Middle Eastern instruments. Realize trapping this crowd. Walk over, kicked one of my fabulous raps. Dottie, Dottie. Arab jaw drop, they well wish, they glad rap. Now the kid considered like an Elvis of Baghdad. هادي تربح هادي تربح لاز هادي ما تربحش وهادي ما تربحش دايما على لاز What it is بعد عند نسيت شوف واحد يضحك واحد يبكي تولي بعتوك ايه انا اللي بعتوك ها What it is you know they know what it is we know y'all know what it is ecstatic there it is What it is you know We know what it is, they know, y'all know what it is, you know, hit it. What it is, you know, we know what it is, they know, y'all know what it is, you know, hit it. C'était Mos Def avec Auditorium. On est toujours de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre pour enfants. Je parle assez peu de livres pour enfants dans Qui ou Quoi. C'est la deuxième fois depuis le début, depuis que j'ai commencé cette émission. Là, c'en est un qui me fait de l'œil depuis bien longtemps. Et ça s'appelle « Doux rêveur » d'Isabelle Simler. Isabelle Simler, c'est une auteure complète, auteure et illustratrice donc, et qui sort des Arts Déco de Strasbourg, qui m'a l'air d'être une école un peu cotée, parce que je me suis rendu compte que c'était pas la seule. Mais en vrai, bon, savoir qu'elle vient de là-bas, ça n'apporte rien de particulier au schmilblick de le savoir. Elle a fait ses armes dans l'animation, avant de se lancer totalement dans l'illustration jeunesse, depuis plus de 7 ans maintenant. Ce qui l'a amené à réaliser plus d'une dizaine de bouquins à ce jour. Une chose est sûre, au vu de sa bibliographie, Isabelle Simler aime les animaux, auxquels elle a consacré une bonne partie de ses livres. Nom d'oiseau, Mon escargot domestique, L'oiseau du sommeil, etc. Et Doux rêveur, le livre dont je vous parle ce soir, ne déroge pas à la règle. Pour vous décrire le livre, en fait, il n'y a pas d'histoire. C'est une succession de doubles pages dans lesquelles un animal est dessiné sur une page sur une double page. Un texte d'un côté, où on voit l'animal de loin, et sur l'autre page, un gros plan sur la tête de l'animal. Et les deux sont en face à face. Il est dessiné en dormant et en rêvant. Le texte, je vais vous en dire un extrait, le texte est tout à fait poétique. J'en avais repéré un. Sur l'araignée, par exemple. 8 pattes se dressent, 8 lunes se reflètent, l'araignée rêve en funambule, son sommeil en dentelle, suspendu à un fil. Vous vous en doutez, peut-être, parce que j'en parle ici, mais pour moi, Doux rêveur s'adresse à mon sens aussi bien aux enfants qu'aux adultes. En fait, j'ai une espèce de problème, qui n'en est pas un, avec les livres pour enfants. J'ai remarqué que dans la production de livres pour enfants, il y a des livres qui sortent largement du cadre enfantin. Et je sais pas trop comment le dire, mais en fait, le travail d'illustration et le texte sont tels qu'ils peuvent très bien s'adresser à d'autres lecteurs que les enfants. Puis en plus, on a tous été des enfants, hein, donc il n'y a pas de raison. En quoi c'est un problème, vous me direz ? C'en est effectivement pas un, si ce n'est qu'à mon sens, ces livres ne rencontrent que la moitié de leur lectorat. Et en fait, j'aimerais bien que plus d'adultes lisent des livres pour enfants. Ici, c'est pas tellement au niveau du texte que le livre s'adresse aussi aux adultes, c'est pour moi plus au niveau du dessin qui est particulièrement remarquable. J'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu une réaction dubitative face au livre. Un peu trop poétique dans les textes, je suis pas très poésie, et un choix de couleurs qui me bousculait vraiment beaucoup. Tout se passe au niveau des noirs, oranges, roses qui pètent, etc. Mais en fait, c'est justement l'alchimie de tout ça qui fait qu'il s'en dégage un truc. Que une fois lu, ben en fait on y revient, un peu comme s'il y avait eu un arrière-goût qui nous avait bien plu. Et du moment où on y revient, et ben à ce moment-là, la finesse du dessin saute aux yeux. Je suis pas dessinateur et c'est dommage que mon comparse Vincent ne soit pas là, parce qu'il aurait pu m'éclairer là-dessus, mais pour moi, la technique de dessin utilisée par Isabelle Simler dans le livre, c'est de la carte à gratter. Vous savez, c'est des cartes noires, qui sont noires, enfin c'est une feuille blanche recouverte d'une couche d'une fine pellicule noire qu'on gratte avec un stylet. C'est l'inverse du dessin, où le dessin on rajoute de l'encre, là en fait on enlève de la matière sur la plaque noire et on découvre le blanc derrière, donc ça fait des dessins noirs mais très très forts. Sauf qu'en général, la carte à gratter, c'est une seule couleur. Et là, en fait, vu que c'est un livre très très coloré, c'est comme si elle superposait plusieurs cartes à gratter de couleurs différentes. Et en tout cas, c'est ce que m'inspire la finesse du trait d'Isabelle Simler dans le livre. Après, j'ai lu sur internet qu'apparemment elle travaille sur palette graphique. Ça expliquerait peut-être la chose, le côté magie. Elle superposerait des couleurs, enfin bon. Mais en vrai, j'aime me dire que c'est une espèce de truc impossible à faire en fait, ce qu'elle fait. Puis en vrai, l'essentiel est ailleurs. Dans ce trait si fin, dans cette nature dépeinte avec des couleurs folles, dans la poésie des textes, dans ces rêves d'animaux, parce qu'ils dorment tous, et puis n'oublions pas que le livre s'appelle « Doux rêveur », dans ces rêves d'animaux qui traversent tout le livre, on se pose une question. Et si les animaux rêvaient en couleur ? Et si ce livre, c'était le rêve des animaux ? Voir des animaux rêver. Bref, le livre, pendant le temps de la lecture, suspend le temps. C'était un livre court, un livre pour enfants, mais qui se lit à tout le tâche, qui se lit et qui se relit sans fin. Un petit rêve éveillé, plein de couleurs. We'll be right back. c'était Manor Astroman avec le morceau Specify Gravity. On est de retour pour la troisième et dernière partie de Kiyukwa, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur Radio Dio sur le 89.5 à Saint-Étienne. La troisième partie de Kiyukwa, c'est en général la BD Tech idéale de Kiyukwa. Et ce soir dans la BD Tech, c'est une BD un peu particulière dont je vais vous parler, une BD objet découverte il y a peu via Facebook et la page des éditions 2024. Et cette découverte, c'est Les Aventures intersidérantes de Jean-Pierre Vortex par Sylvain Moisy. En fait, je me souviens pas très bien de comment j'ai découvert ces aventures, si ce n'est qu'ils avaient présenté la chose comme étant une BD infinie. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Il y a une vidéo sur internet sur le site des éditions 2024, donc je suis allé voir ce que c'était. Et heureusement que j'y étais assis. C'est une BD dont les planches sont pliées et collées de telle sorte que quand on la feuillette, qu'on passe d'une page à l'autre, eh bien au bout d'un moment, on retombe sur la première page. On peut donc lire l'histoire en boucle. Un peu comme ce truc que mon père m'avait appris quand j'étais petit, attention accrochez-vous, c'était beau mais c'était triste, tout le monde pleurait, jusqu'au capitaine des pompiers qui pleurait dans son casque. Quand le casque fut plein, une goutte tomba, gela. Le capitaine des pompiers vint à passer, il glissa, tomba, mourut. On l'enterra, c'était beau mais c'était triste. Tout le monde pleurait, etc., etc. La BD en boucle, quoi. Et c'est exactement la même chose pour Jean-Pierre Vortex. Donc, par exemple, Jean-Pierre prend une fusée, il va dans l'espace, il se repose, et puis, en fait, il se repose sur la même planète, ah bah, je repars, etc., etc. Après, c'est la découverte de cette BD. En fouillant un peu, donc, j'ai découvert que l'auteur, Sylvain Moisy, qui a d'ailleurs aussi fait les Arts Déco à Strasbourg, j'ai pas fait exprès du tout, a fait plusieurs BD, mais que je n'ai jamais lu, donc je vais pas pouvoir vous en parler. Mais surtout, j'ai aussi vu que cette BD était sortie d'un atelier Shifumi, qui est un laboratoire d'Ubapo, c'est-à-dire de BD sous contrainte. Et je ne résiste pas à l'envie de vous faire un rapide topo sur l'Ubapo, parce que je trouve ça trop bien. Un topo rapide est copié sur le site internet de l'association Pierre Feuille Ciseau, une association très intéressante qui organise ces fameux ateliers Shifumi dont je viens de parler. J'avoue que je ne me suis pas fait chier sur ce coup, j'ai repris sur internet et puis j'ai un petit peu adapté. Donc l'Ubapo, c'est l'acronyme de l'ouvroir de bande dessinée potentielle. L'Ubapo a été fondé en novembre 92 à travers la maison d'édition L'Association. Et en fait, le but, c'est de créer des bandes dessinées sous contrainte artistique volontaire à la manière de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle initié par Raymond Queneau et François Le Lyonnais à la toute fin des années 50. Le groupe de base de l'Ubapo, c'est des auteurs de l'association, il a évolué au fil du temps, il y a un groupe en France, un aux States, etc. Bon, il y a plein de règles d'appartenance au groupe, c'est un peu comme un crew de Harley Davidson. Tout ça, c'est bien beau, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on peut trouver sur le site de Pierre Feuille Ciseau, justement, différentes formes de contraintes que je ne résiste pas à vous évoquer. Par exemple, des bandes dessinées, comme contrainte, il y a la réversibilité ou l'upside down, c'est-à-dire que quand on lira la BD, eh ben, il faut qu'on puisse lire la page avec plusieurs orientations. On prend la truc, on retourne. Il y a l'itération de différents types. L'itération iconique, par exemple, consiste à raconter une histoire avec une même case, en changeant les dialogues uniquement. La narration devra s'adapter à cette contrainte. Il y a le palindrome, création d'une histoire de bande dessinée qui se lit dans les deux sens. Donc, qu'on commence par le début ou par la fin. Il y a des mots comme ça, les palindromes. Palindrome, on dit par exemple, engage le jeu que je le gagne. C'est une phrase qu'on peut lire dans les deux sens. Enfin, et qui a le même nombre de lettres, enfin c'est les mêmes lettres, etc. Il y a le pliage d'une page qui dévoile un nouveau sens, une nouvelle histoire. La plurilecturabilité, lecture d'une planche sous plusieurs sens, gauche, droite, en diagonale. La restriction graphique qui consiste en la limitation ou l'élimination d'un élément graphique de l'histoire. Ça me fait quand même bien rigoler. On supprime les bras par exemple. Il y a le morlac, c'est un récit qui se mord la queue, dont la fin se raccorde au début de façon à ce qu'il forme un énoncé indéfini. L'expansion, la réduction. L'expansion, c'est que on insère des cases dans une histoire existante pour en former une nouvelle. La, la, l'hybridation, c'est créer une histoire par croisement de cases empruntées à d'autres bandes dessinées. S+7 ou N+7, remplacer un nom dans un dialogue par le septième nom, le suivant dans le dictionnaire, etc. Substitution, remplacer un dessin par un autre, ou prendre les planches d'un autre auteur pour l'intégrer dans son récit avec un autre texte, mise en abîme, etc. On peut bien sûr tout mélanger. Pour finir sur Loubapo, quelques considérations théoriques, toujours reprises du site de l'association Parfait Ciseaux. Les contraintes, quelles qu'elles soient, sont très difficiles à mettre en place et demandent beaucoup d'imagination de la part des auteurs. Ceci afin de créer une bande dessinée non seulement à contrainte, forte sur un plan technique, mais racontant une véritable histoire. La liste proposée n'est bien sûr pas exhaustive, car potentiellement illimitée, tant que la dite imagination des auteurs ne se tarit pas. On a l'impression de lire un règlement de bibliothèque. La valeur artistique et l'intérêt intellectuel. Juger des productions oubapiennes selon les critères esthétiques habituels est inopérant. En effet, basé sur des contraintes parfois très fortes, elles semblent souvent forcées et semblent plus relever de l'exercice de style ou du divertissement. Et voilà, et on finit sur les trois apports principaux de Loubapo à la bande dessinée. En minorant l'importance du dessin dans les réinterprétations graphiques ou les bandes dessinées sans dessin, Loubapo rappelle à la fois que l'essence de la bande dessinée n'est pas dans la représentation mais dans l'agence spatiale du multicadre investi par un discours séquentiel, et que texte et dessin sont totalement interdépendants. En malmenant l'homogénéité du style, Loubapo participe à l'avènement d'une conception plus ouverte de la bande dessinée. Les exercices relevant de la plurilecturabilité encouragent des lectures translinéaires et des approches moins conventionnelles de la narration, tout en rappelant l'importance de la séquentialité. Ça fait réfléchir. On peut donc dire que les aventures de Jean-Pierre Vortex sont issues d'une expérience d'Oubapo avec une contrainte de type pliage et une contrainte de type Morlac. Voilà, bon. Personnellement, j'adore ce genre d'expérience. Je trouve ça super méga fun. Pour dire avec mes mots, je suis un peu moins fort que Thierry Grosten. Même si j'abonde totalement dans le sens que c'est quasiment impossible à analyser parce que les contraintes prennent le dessus. On peut pas dire que ce genre d'œuvre dégage de l'émotion ou autre. Sans aller jusqu'à dire le contraire, mais là, par exemple, Jean-Pierre Vortex, je trouve que Jean-Pierre Vortex fonctionne à merveille et dégage un truc justement. Le dessin, il est très bon pour l'exercice, lisible et personnel et intéressant. C'est une espèce d'Astérix indé avec des gros traits. La répétition des histoires à l'infini fonctionne à merveille parce que Jean-Pierre Vortex se situe dans un univers de science-fiction. Et justement, donc situer le truc dans la science-fiction est une très bonne trouvaille, comme si Jean-Pierre Vortex était tombé dans une boucle temporelle. Un des thèmes de prédilection de la science-fiction, et ça c'est vraiment très très bien vu. Et puis la contrainte, le pliage, il est carrément magique. On peut lire sans fin. Vraiment, bon, après, on peut se lasser au bout d'un moment. Mais vraiment, c'est magique. La créativité qui en ressort fait du bien à la tête. Et on se dit qu'il reste également tellement de choses à découvrir avec la bande dessinée. C'est génial. Donc je recommande absolument de lire au moins une fois Jean-Pierre Vortex et ses aventures intersidérantes. Un dernier mot quand même, enfin non, je vais en reparler après. Bon, j'ai quelques blancs, heureusement qu'il y a un peu la musique pour meubler, mais vraiment, je suis en train de faire le DJ, je suis un peu Laurent Garnier, là, j'ai 5 bras pour essayer de tout faire en même temps, vu que j'ai oublié, comme je vous ai dit, mon sac avec tous les trucs dessus. Donc, l'émission touche à sa fin. Dans les trucs que j'ai oubliés, eh ben, il y a le générique de l'émission. Donc, je vous rappelle les 3 livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Il y avait Guerre et Spray de Banksy, il y avait Doux Rêveur d'Isabelle Simler, et puis Les Aventures Intersidérantes de Jean-Pierre Vortex par Sylvain Moisy. Un petit dernier mot quand même sur Lou Bapo, parce qu'au final, Jean-Pierre Vortex, c'était surtout un prétexte pour vous parler de Lou Bapo. Un atelier Shifumi va avoir lieu lors du prochain festival d'Angoulême, et je vous encourage à suivre la page Facebook de l'association où ils présentent tout le monde, et je pense qu'ils vont documenter tout ce qui va se passer quand ça se passera, et ce sera vraiment super bien. Et puis aussi pour vous signifier que Lou Bapo fait son entrée dans les pages de Spirou Magazine. Bref, ce truc est en train de se démocratiser, et ça nous laisse présager de belles découvertes. En attendant, je vais vous laisser, pas avec un générique, mais un morceau de fin, un truc qui traînait dans ma voiture et que je vais pouvoir vous mettre. Après, c'est un morceau que j'aime bien, donc tant mieux. On se retrouve dans 2 semaines avec mon comparse Vincent, pas pour un cercle, parce qu'il tenait à faire une chronique sur un livre, dont je sais ce que c'est, mais je ne vous dirai pas ce que c'est. La semaine prochaine, c'est Radio Gaga qui sera là à ma place, toujours Ghetto Vibes avant, enfin jeudi prochain. Comme à la radio duo... à 22h normalement. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à dans 2 semaines. C'était Qui ou quoi. Je me suis levé ce matin en regardant par la fenêtre, j'ai vu noyer sous le soleil la ville. Our nation, some of us remember dying in a war. Good friends we've known, seeds of love that we've sown. Lead us up.